ses rêveries ravivent mes nuits, s'en iront-elles avec moi? Si vous avez manqué la diffusion de l'émission, ah ben ça peut arriver, oui. Ah ben oui. Ah ben non, c'est pas malin, mais enfin ça peut arriver. Eh bien, pour retrouver le podcast, rendez-vous sur le site de Radio Fagette. Vous recherchez votre émission, en l'occurrence la cerise sur le canto Patchwork, et vous cliquez sur le titre et puis vous accédez comme ça au podcast de la dernière émission. Attention, ce podcast reste valable qu'une semaine puisque c'est toujours la dernière émission qui est présentée. Voilà. Et n'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de la cerise sur le canto Patchwork pour y jouer au tiercé des chansons. Je rappelle que Denise, après de nombreuses tentatives depuis le début de la cerise sur le canto, ça va bientôt faire un an, dis donc, elle passait à côté systématiquement. Et là, elle a, du premier coup, trouvé la combinaison gagnante. Bravo Denise, c'était déjà il y a quelque temps. Place à la sélection du jour. Alice Donna est une chanteuse-compositrice française née en 1946 à Maisons-Alfort. Pensionnaire du Petit Conservatoire de la Chanson de Mireille, elle donnera plus tard naissance à Raphaël Messi, vous connaissez. Raphaël Ricci, Raffi. Vous savez, on l'a découvert comme professeur d'expression scénique à la Starac, plusieurs saisons. Ah, dis donc, elle leur faisait pas de cadeaux aux jeunes. Ah, quand elle avait quelque chose à leur dire, elle prenait pas les contours. Hein. Alice Donna a beaucoup composé pour Serge Lama, mais aussi pour de nombreux artistes. Elle est très prolifique dans les compositions. Elle remonta sur la scène en 1976 et y rencontra un immense succès avec la chanson hypocalorique, Alice Donna. Qui troublait le cœur de Renoir, les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir. Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous leur régime, du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on ne dit plus maigre comme un clou. Cette chanson, parole et musique hypocalorique, est faite pour nous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin, le riolet, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin, la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bourré, le jeu de pêche en berbin. Oh, est-ce que c'est bon d'être bien dans sa peau, réveillon, papillon, serpentin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, hommes-les et femmes-lettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le cliquetis des os, se dira comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson, sans aucun contrat, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin, le riolet, le rivo, le risotto, le complet, le lolo du matin, la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvret, le gevrey, chambertin. Et faut se priver de faisan, parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut arrêter les pastèques, le rhum sec, les vaincus, les grands couilles et les cuites, et les cornichons de Dijon, le bigorneau, le pancarnou et le mou du matou. Faut supprimer la pistache, le pistou, les poutous, il faut supprimer tout. Et le bureton, les boutons, les boutons, la choucroute et l'étouffe chrétien, la paella, la pizza, les petits pois, la moca, la vodka, les pots de vin, la poule au pot, les tricots, les impôts, le potiron, le pot-au-feu, les potins. Les bobos, les citrons, les pépins. Ah, est-ce que c'est bon d'être bien dans sa peau, réveillant, papillon, serpentin. Si vous êtes toujours à la diète, au jus de chaussette, au jus de cailloux, cette chanson, parole et musique, hypocalorique, est faite de vous. Jérémy Frérot est né en 1990 à Bruges. Non, pas à Bruges, en Belgique. À Bruges, en Gironde. Et chanteur français, il fit partie de 2011 à 2017 du groupe Frérot de la Viga. Et c'est en 2018 qu'il lance sa carrière en solo. Et par la même occasion, il se marie avec Laure Manoudou. Tu donnes Jérémy Frérot. Quand je perds le nord,

tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît. Eh oui, c'est un tango. Ah ben, il faut savoir danser le tango, hein. Moi, dans ma vie, j'ai fait la moitié d'un tango. Oui, oui, je m'en souviens encore. La demoiselle était charmante, mais à la moitié du tango, elle m'a dit « Bon, vous voyez bien que ça va pas. » Donc, nous avons arrêté et jamais plus je n'ai recommencé. Ah non, ça non. Reconnu aujourd'hui comme un des meilleurs guitaristes de sa génération, cet instrument avec lequel il fait corps était avant tout un refuge pour Mathieu Chédite. La guitare, c'était un confident pour cet adolescent introverti. Et il déclare « La guitare est un bouclier pour moi. Adolescent, j'étais complexé, replié sur moi-même et dans mon petit monde. J'ai eu besoin de cette arme poétique pour me défendre. » Alors des guitares, oh, j'en possède une cinquantaine aujourd'hui. C'est une maladie chez moi. Grand petit con, Mathieu Chédite. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con. C'est un trésor de la grande illusion. volonté, c'est l'or. Transformé en passion, qui n'oublie pas la voix. Lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Quand petit con, c'est toi. Quand petit con, c'est moi. Quand petit con, c'est toi. Quand petit con, c'est moi. Et maintenant, une chanson qui a connu plusieurs vies. D'abord en 1980 avec Régine. Et la chanson, c'était « Tu oublieras ». Sans grand succès. Allez, un flop. C'est Jan Manson qui, 10 ans plus tard, reprit cette chanson. À cette fois, le titre a changé. Il est devenu « Tu m'oublieras ». Mais ne connaît pas plus d'engouement. Un deuxième flop. Et c'est une jeune artiste, Laetitia Serrero, à la chevelure flamboyante, appelée La Rousseau, qui reprend la chanson quelque peu modernisée et qui s'y risque en 1998. La chanson comprend des onomatopées, des arrangements très soul et très pop qui plaisent aux jeunes. Et la chanson se hisse très vite en tête des hits. Numéro 1 en France, elle le restera pendant 12 semaines. Le single sera le titre le plus diffusé en radio et se vendra cette année-là à plus de 2 millions d'exemplaires. Comme quoi, le succès finit toujours par arriver. Tu m'oublieras, La Rousseau. Yeah. la chanteuse suivante a fait chanter les Français par millions avec sa chanson « Quand tu pars ». Elle a fait danser les Français par millions avec son tube planétaire Africa. Et malheureusement, elle nous a quittés définitivement en avril 2018. Africa, Rose Laurence. Au-delà de tous les coups de la vie qui se jouent de nous, je vous sais plus fort. Je nous sais plus fort. Extrait du dernier album Papillon, sorti en 2019, c'est maintenant par amour, Lara Fabian. Avant de t'ouvrir la porte, te laisser partir, avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire toutes les histoires s'usent, inévitables. Certaines personnes passent, quittent la table, mais nous étions deux âmes jumelles. Nous avons su protéger nos ce triste réveil, nos paroles amères. Si nous lancions une bouteille au loin à la mer, nous en écrirons le message. Nos larmes trouveront le courage de noyer l'orgueil et la rage. Au-delà de tous les coups de la vie qui se jouent de nous, je nous sais plus fort, je nous sais plus fort. Au-delà de cette douleur du vide et de la peur, je nous ai vus plus fort, je nous ai vus plus fort que tout par amour. Avant de t'ouvrir la porte, te laisser partir, avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire. En 1939, une valse musette fait danser la France entière. Elle a pour titre la Java bleue. Et comme dans tous les cas de danse bleue, ce sont les dames qui invitent les messieurs à danser. Alors, la Java bleue, c'est une chanson du film La Java qui a été créée à l'origine par la chanteuse Fréhel, pas le film, la chanson. De nombreux interprètes ont depuis repris cette chanson. Et en anecdote, allez, langue de pute. Vers la fin de sa vie, Fréhel, devenue alcoolique, avait été arrêtée une fois sur la voie publique et comme les policiers ne l'avaient pas reconnue, humiliée, elle s'est mise à chanter en gueulant la Java bleue. Et je suis la chanteuse Fréhel. Les passants s'étaient regroupés autour d'elle et l'avaient applaudi à tout rompre sous les regards éberlués des agents de la force publique. Nous avions laissé le temps à Fréhel de se dégriser et choisi Lucienne Delisle pour interpréter cette fameuse Java bleue. Lucienne Delisle. Il est au bal la musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Tandis qu'on glisse à petits pas, serrant celui qu'on aime dans ses bras, tout balondit dans un frisson, en écoutant jouer l'accordéon. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue. Chérie, sous ton étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments on se fait dans la folie d'un moment.

fois qu'on se dit avec tes doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui m'a répondu ok pour un rendez-vous. De son vrai nom, Laurent Bitton. Billy est né en 1970 à Châtenay-Malabry, si vous connaissez. Et c'est en 1982, il était alors âgé de 12 ans, qu'un producteur le découvrit par hasard sur une plage en train de chanter. Et il le proposa sur le champ à lui et à ses parents de le faire enregistrer. En 1983, il effectuait sa première tournée estivale et recevait son premier disque d'or, Bye Bye, sorti en 1984, deviendra une fois de plus disque d'or, Bye Bye Billy. Tu es là tout près de moi, j'en perds mon sang-froid. Alors ça, c'était une chanson de 1984. Nous sommes maintenant en 2019, on fait le compte. Si je ne me gourre pas, ça fait bien 35 ans. Et à l'heure actuelle, donc Billy, le petit Billy, il a pris 35 années de plus. Et après avoir été technicien de maintenance dans une société d'informatique, il se produit à nouveau dans la chanson, sous son nouveau nom d'artiste. Il s'appelle maintenant Laurent Billy. Bien certes, il ne chante pas les mêmes choses, la voix n'est pas la même, mais si vous entendez parler de Laurent Billy, eh bien c'était le Billy des années 80. Voilà, c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 25 consacré à la chanson française. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons, je vous ai dit qu'on pouvait gagner, en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours, mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Je voudrais quand même vous dire quelque chose. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement d'une émission, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur la page Facebook de la cerise sur le canto Patchwork, et puis vous le dites, et puis on prend contact, on voit comment on peut s'arranger. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2, ça c'est pour les Lorrains, et sur le net fagette.net en ligne, ça c'est pour les autres Européens. Allez, au revoir.